Oui, c'est moi qui lave les verres et les plats. On m'appelle une Marie, couche-toi là. Quand on me donne un penny, faut encore que je dise merci. Me v'là en habit docteur, au fond de cet hôtel miteux. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Vous ne savez pas aujourd'hui qui je suis. Mais un soir, un beau soir grand branle-bas, des gens courent sur la rive, disant voyez qui arrive. Et moi je sourirai pour la première fois. On dira voilà que tu souris toi, un navire de haut bord, sans canon au sabord, entrera dans le port. Moi toujours je laverai les verres et les plats, je serai toujours une Marie, couche-toi là. Quand on me donnera un penny, toujours je dirai merci, je garderai mes habits opteux au fond de cet hôtel miteux. Mais demain, demain comme aujourd'hui, vous ne saurez toujours pas qui je suis. Mais un soir, ce beau soir pour qui je vis, voilà que les 100 canons s'éveilleront et tonneront. Pour la première fois, j'éclaterai de rire. Quoi méchant, t'as le cœur à rire. Le navire de haut bord, sans canon au sabord, bombardera le port. Alors viendront à terre des matelots plus de sang qui marqueront d'une croix de sang chaque maison, chaque porte, et c'est devant moi qu'on apporte mutilé, implorant, enchaîné des saigneux, vos pareils, tous vos pareils, vos messieurs, vos pareils, tous vos pareils, vos messieurs. Alors paraîtra celui que j'attends, il me dira qui veux-tu de tous ces gens que je tue, et moi je répondrai doucement, tu les tous. À chaque tête qui tombera, je battrai demain, hop là. Et le navire de haut vent, loin de la ville où tout sera mort, m'emportera vers la ville.